enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrissez, semez l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains. Enfants de tout pays, bonjour, vous êtes bien sur Radio Fadjet Nancy 94.2. Daniel, en votre compagnie, Yves à la technique pour vous présenter Patchwork numéro 8, Patchwork à l'écoute des musiques du monde. Alors la programmation d'aujourd'hui comprend comme d'habitude du zouk antillais, une balade, avec un seul L, autour du mot clown, une balade en chanson française, un voyage musical en Inde et un coup de chapeau à Thomas Dutronc. Allez, c'est le zouk qui ouvre l'émission. Lovely, Ali, Angel et Marisa. l'Inde. L'Inde a un immense pays, avec comme pays voisin le Pakistan, la Chine, le Bangladesh, le Népal, le Sri Lanka, le Bhoutan et la Birmanie, bien entourée. Alors, avec ces... Oui, il faut que je fasse attention, là. C'est difficile à lire, je ne vais pas jouer mon krasuki. Avec ses 1,324 milliards d'habitants, l'Inde sera bientôt le pays du monde le plus peuplé, parce qu'il a une natalité qui est supérieure aux autres, donc il va passer la Chine bientôt. C'est un pays qui est constitué de 28 États sur la péninsule, plus un certain nombre d'îles par ailleurs. Sa capitale, c'est New Delhi. La ville compte plus de 18 millions d'élites. Autre ville importante que l'on connaît, Bombay et Calcutta, avec plus de 14 millions d'habitants. Chanson indienne. Da da da da. Pour la balade autour du mot clown, j'ai fait appel à Marcel Amon. Alors Marcel Amon, il n'est pas si jeune, hein. Il est né à Bordeaux en 1929. Eh oui, l'année prochaine, il aura 80 ans. Et après le bac, il a hésité entre le professorat d'éducation physique et le conservatoire d'art dramatique, puis c'est finalement la chanson qui l'a emporté. Ses qualités sportives, son interprétation scénique, il faut le voir sur scène, quand il renverse sa chaise, et qui ensuite il la remet droite, tout ça avec les... C'est incroyable. Une fort belle voix, enfin un fantaisiste qui rencontre un immense succès partout où il se produit. Moi le clown, Marcel Amon. Moi un tel, sous tous les cieux en toute saison, quand s'allument les premiers néons, je vais retrouver mon grand patron, le cirque. Moi un tel, perdu dans le flot des passants, qui va vers lui, je sens mon sang, qui se réveille en le voyant, le cirque. Taille moyenne, nez moyen, signe distinctif, néant. Et pour tous ces gens, je ne suis rien, et rien pour les petits enfants. Moi, un tel. On me regarde sans me voir, on ne rit pas de mes histoires, on s'en moque, on est venu voir le cirque. Une table de maquillage, de l'or, du rouge et puis du bleu. Il ne m'en faut pas davantage, une ricournelle et les pleins feux, et je deviens, moi, le clown. Dans mon costume de diamant, sous le tonnerre étourdissant, 2000 bravos, je bondis dans le cirque. Moi, le clown, je joue du violon, du saxo, je fais des bonds, je fais des sauts, en crevé le chapiteau du cirque. Là, je jongle avec 10 000 étoiles, le signe distinctif géant. Et je vois briller toutes ces étoiles dans les yeux des petits enfants. Moi, le clown, je suis celui qui peut devenir le plus beau de leurs souvenirs, un demi-dieu sur son navire, le cirque. À minuit finit le miracle, quand je regagne mon hôtel, je suis redevenu un tel jusqu'au prochain spectacle. Oui, mais demain, moi, le clown, dans mon costume de diamant, sous le tonnerre étourdissant, 2000 bravos, j'entrerai dans le cirque. Zouk, Zouk, malgré nos différences, les soucis et les coups de gueule, on a cru en nous, en notre coup de foudre, coup de cœur, Ticasse. Me dissimuler. Yeah, yeah, yeah. d'Afrique, que coûte, dis-moi, pour la vie que tu me mérites. Retour en Inde, l'Inde qui offre un paysage varié, des pics de l'Himalaya au littoral de l'océan Indien. Or, son histoire remonte à 5 millénaires. Au nord se trouvent des sites datant de l'Empire moghol, tels que le Fort Rouge et l'imposante mosquée Jama Masjid à Delhi, ainsi que l'emblématique mausolée du Taj Mahal à Agra. Et puis les pèlerins viennent faire leurs ablutions dans les eaux du Gange. Egiri, Nandini, Aruna, Sairam. Egiri, Nandini, Nanditame. ನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದಿನುದೇ ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋದಿನಿ ವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿನಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುದೇ ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದಿನುದೇ ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋದಿನಿ ವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿನಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುದೇ ಭಗವತಿಗೆ ಕ್ಷಿತಿ ಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂತಿ ಕೃತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕ ಮರ್ದಿನಿ ಶೈಲ ಸುಧೇ ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದಿನುದೇ ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋದಿನಿ ವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುದೇ We'll be right back.

poursuivons notre balade avec le mot clown. Pour ton nez qui s'allume, bravo. Tes cheveux que l'on plume, bravo. Ta femme est infidèle, bravo. Ton fils te fait les poches et toi tu fais l'idiot, bravo pour le clown, Edith Piaf. Un clown est mon ami, un clown bien ridicule, et dont le nom s'écrit en gifle majuscule. Pas beau pour un empire, plus triste qu'un chapeau. Il boit d'énormes rires et mange des bravos. Pour ton nez qui s'allume, bravo, bravo. Tes cheveux que l'on plume, bravo, bravo. Tu croques des assiettes assis sur un jet d'eau. Tu ronges des paillettes tordues dans un tonneau. Pour ton nez qui s'allume, bravo, bravo. Tes cheveux que l'on plume, bravo, bravo. La foule aux grandes mains s'accroche à ses oreilles, lui vole ses chagrins et vide ses bouteilles. Son cœur qui se dévisse ne peut les attrister. C'est là qu'ils applaudissent la vie qu'il a ratée. Pour ta femme infidèle, bravo, bravo. Et tu fais la vaisselle, bravo, bravo. Ta vie est un reproche qui claque dans ton dos. Ton fils te fait les poches et toi tu fais l'idiot. Ta femme infidèle, bravo, bravo. Et tu fais la vaisselle, bravo. Le cirque est déserté, leur rire est inutile. Mon clown est enfermé dans un certain asile. Succès de camisole, bravo de cabanon. Des mains devenues folles lui battent leur chanson. Je suis roi et je règne, bravo, bravo. J'ai des rires qui saignent, bravo, bravo. Venez que l'on m'acclame, j'ai fait mon numéro, tout en jetant ma femme du haut du chapiteau. Une petite fin, Yves ? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ce que je vous propose, c'est la cuisine indienne. Elle recouvre une grande variété de cuisines régionales d'Inde. Elle est influencée par les épices, les herbes, les fruits et légumes que l'on trouve dans chaque région du pays. La consommation de bovins, c'est sacré les vaches, de porc et de rapaces, est limitée, bien entendu, par les interdits de l'hindouisme et de l'islam. Alors, on retiendra parmi les mets les plus courants, dans les entrées, les samoussas, les beignets de légumes, le raïta, yaourt avec tomate ou concombre, les viandes, alors là, la viande numéro un, c'est le poulet tandoori. En fait, tandoori, c'est cuit au tandoor. Et le tandoor, c'est quoi ? C'est une sorte de four en terre cuite qui est traditionnellement enfoui dans le sol. Et puis n'oublions pas le curry d'agneau. Dans les poissons, le curry également de poisson kyrolé. Le pain, alors le naan, galette à base de farine cuite au tandoor. Le dessert, petit baba parfumé à l'eau de rose. Boisson, le chai, le thé ou les sucrés. Épicé avec du gingembre, de la cardamome ou de la cannelle. Ans mat pagli, sonu nigam. जब से मिला हूँ तुझसे मुस्कुराता रहता हूँ, जो भी मिलता है मुझसे सुनाता फिरता हूँ। दूर रहना इस माया जाल से वरना तेरा जीना दुश्वार हो जाएगा, हसमत पगली प्यार हो जाएगा, चाय बन चाय चाय, हसमत पगली प्यार हो जाएगा। अरे सीधे देख ले सीधे ताड़ू, सोचता था बजाऊं, ख्वाबों की खिड़की थी बंद अब इश्क होगा भी क्या, तुझसे यूं थोड़ा खुल गया हूँ मैं, यूं तेरी आंखों में घुल गया हूँ मैं, जैसे पानी में चंदन हुआ दिल अब कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, हसमत पगली प्यार हो जाएगा, हसमत पगली प्यार हो जाएगा, हसमत पगली प्यार हो जाएगा, हसमत पगली प्यार हो जाएगा। Deuxième coup de chapeau à Thomas Dutronc, trophée 2009 de la chanson originale, attribué aux Victoires de la musique. Et puis Thomas Dutronc, comme un manouche sans guitare. Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la Loire, quand t'es pas là, je suis comme ça. Comme un rasta sans pétard, comme un corse sans pétard, une normande sans armoire. Comme t'es pas là, je suis sur les points com, mythique, pornographique, et je suis comme un con. Je suis un faune, j'ai plus de neurones, je tombe de mon trône. Quand t'es pas là, je n'existe pas, comme Sherlock sans sa loupe, comme Tintin sans sa houppe, comme un mandat sans sa coupe. Comme une pizza sans olive, une page de pub sans lessive, si t'es pas là, je ne suis plus moi. Comme un arbre sans racines, comme le théâtre sans racines, sur cette plage sans Aline. Comme t'es pas là, je suis sur les points com, Rolex, Viagra, tout ça, et je suis comme un con. J'ai 18 montres, je me rends plus compte, la bébête qui monte. Quand t'es pas là, n'existe pas, comme un martien sans soucoupe, comme un coiffeur sans un scoop, comme un pâté sans sa croûte. T'es pas là, je suis sur les points com, mythique, pornographique, et je suis comme un con. Je suis un faune, j'ai plus de neurones, je tombe dans mon trône. Quand t'es pas là, je n'existe pas, comme un manouche sans guitare, comme un château sans la Loire, une normande sans armoire. Que ramener d'un voyage en Inde, la production d'un film, pas facile à mettre dans la valise, l'Inde, premier producteur de films au monde.

Et pour finir notre balade autour du mot clown, eh bien, je vais vous parler de Gianni Esposito, qui est né en 1930 près de Bruxelles, d'une mère française et d'un père italien, acteur et poète. Il était également auteur, compositeur et interprète de chansons. Il est venu au chant en 1952, mais le succès n'est vraiment arrivé qu'en 1957 avec sa chanson « le clown Gianni Esposito ». S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Ma che va fatto di male sta povera creatura? Ma che va fatto di male sta povera creatura? Ma che ci avete da ridere, portagli iettatura? Ma che ci avete da ridere, portagli iettatura? D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu. D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu. Il parle de l'amour, de la joie sans être cru. Il parle de l'amour, de la joie sans être cru. Se voi non comprendete, si voi ne comprenez pas. Se voi non comprendete, si voi ne comprenez pas. Almeno non ridete, o moi non riez pas. Almeno non ridete, o moi ne riez pas. Ouvrez donc les lumières, puisque le clown est mort. Ouvrez donc les lumières, puisque le clown est mort. Et vous applaudissez, admirez son effort. Et vous applaudissez, admirez son effort. Et c'est ainsi que prend fin Patchwork numéro 8. Il me reste à remercier Yves pour la régie technique et vous, les auditeurs, pour nous avoir écoutés. Notre but, vous l'avez compris, est de vous intéresser tout en vous distrayant. Et surtout, n'oublions pas que la musique s'exprime dans tous les pays du monde et pas seulement aux États-Unis. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée « La cerise sur le canto ». Patchwork, où vous retrouverez, entre autres, la totalité des podcasts des émissions précédentes. Ne manquez pas Patchwork dans 15 jours